Et merci aussi les étoiles, parce que nous avons reçu entre hier et aujourd'hui les étoiles, oui. Merci les étoiles. Merci les étoiles. Thank you, the stars. Nous avons reçu entre hier et aujourd'hui des petites des propositions de dédicaces et des sons que nous allons nous faire un plaisir de vous passer. Est-ce qu'on les a entendus avant de les partager ou pas? Ou on découvre tous ensemble? On découvre ensemble. Et un petit mot? Non, pas de petit mot. Alors oui. Petite introduction, on peut simplement lire le petit mot qui accompagnait cette première série. Bonsoir, avec deux points, parenthèse fermée, donc un petit sourire. Petit smile. J'ai vu votre petit mot à Archipel, et voilà. Et puis, il y a deux documents qu'on va peut-être simplement passer à la suite. Donc là, de ce que j'ai un peu pré-entendu, on est dans une proposition plutôt sonore. Et plutôt peut-être expérimentale. Alors, c'est parti. Exactement. Alors, voilà. Mais quel est donc cet animal? Cette créature? On dirait plutôt une sorte de... Ah, les mots me manquent. On dirait une construction animalière, enfin une sorte de chimère, voilà, un animal composite. J'ai cru reconnaître un morceau de chien, peut-être... Moi, entre le corbeau et le bébé. J'ai vu une petite image là. J'aurais aussi dit canard, mais un canard un peu en souffrance. Mais il y avait, et puis il y avait, j'ai entendu aussi des petits morceaux de chat, non? T'as entendu des petits miaou, toi? Des petits, oui, alors des... très discrets. voilà, il y avait quand même cette sorte de corbeau enfant canard qui essaie de s'imposer sur le reste. Mais voilà, en tout cas, un très très beau témoignage sonore. En tout cas, n'hésitez pas à réagir. Oui. Hein. N'hésitez pas à nous appeler à réagir au plus 41 ou 079 261 33 46. On se fera un plaisir de savoir qu'est-ce que vous avez entendu. Alors, pour tout complément d'information, oui. Et puis, on peut entendre le deuxième son. Sans plus attendre. Joyeux anniversaire. J'ai cru reconnaître Joyeux anniversaire. Oui, il y avait une vague. Mais c'est l'anniversaire de qui alors? Manifestez-vous. Bon, c'est toujours l'anniversaire de quelqu'un. C'est toujours l'anniversaire de quelqu'un, c'est bien vrai. Mais... Alors, joyeux anniversaire à cette personne. Oui, alors, c'est notamment l'anniversaire d'une amie à moi, Noémie, mais qui, je doute qu'elle écoute la radio à ce moment-là. Je lui ai déjà souhaité joyeux anniversaire en son, mais voilà, c'est peut-être une autre façon. Et puis, on accompagne aussi toutes les personnes qui ont leur anniversaire le 25 avril. Ah oui, bon anniversaire à vous tous. Oui. Merci pour cette dédicace sonore, en tout cas à toi qui nous entends peut-être. Oui. C'était un plaisir d'entendre ces sons. Voilà, parce qu'on est à Archipel et qu'on écoute beaucoup de sons. Alors, peut-être que vous avez envie d'entendre les sons d'hier. Même si vous en avez déjà écouté un petit bout, je me ferai un plaisir de vous les passer. Comment penses-tu, Antoine ?